Il est 13h30, tout de suite vous avez rendez-vous avec Histoire Vivante sur la première. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire Vivante. C'est le pays que le Christ a foulé et c'est un pays dépouillé. Il y a les coupoles dorées, il y a les icônes, il y a sans doute les cultes et les pèlerinages qui y sont liés. Cette semaine, la Russie. On a toute cette atmosphère de sainteté, de sacrifice. Pèlerins, martyrs et idéologues. La Russie prétend ou croit avoir certaines clés du salut du monde. La religion. On chante la Vierge, il n'y a rien de vilain dans tout cela. Et la politique. Vladimir Vladimirovich Poutine. Ce mec-là, c'est pas n'importe quel premier ministre, c'est pas n'importe quel personnage. Deux Roms sont tombées, Moscou, la troisième Rome, est debout et il n'y en aura pas de quatrième. L'Union européenne a fait preuve d'une méconnaissance, d'une ignorance des peuples. Abyssal. Donc c'est nous et après nous le chaos. En l'espace d'une génération, un pays athée est devenu sans difficulté un pays religieux. Aujourd'hui, la Sainte Russie, martyr du prince. Bonjour, donc je m'appelle Pierre Gonod, je suis professeur à l'université Paris-Sorbonne et en même temps directeur d'études à l'école pratique des hautes études, donc deux établissements parisiens. Et je m'intéresse à l'histoire de la Russie, alors au sens large, mais plutôt les périodes anciennes, disons jusqu'au XVIIIe siècle. Vous avez participé, Pierre Gonod, en 2010, à un colloque qui s'est tenu au musée du Louvre, intitulé « Les origines de la Sainte Russie ». Et je me suis demandé si « origine » convenait tout à fait, ou bien alors « invention », voire même « autoproclamation », c'est peut-être d'ailleurs tout cela à la fois, précisez-nous. Alors, le pays russe, la Russie en tant que terre, ça c'est quelque chose déjà d'ancien, au XVIe siècle, et depuis les chroniques du XIIe siècle, on en parle. On évoque soit sa gloire, soit sa ruine, avec les invasions mongoles, avec d'autres catastrophes, et la nécessité de le protéger. On évoque aussi les saints martyrs qui le sanctifient de leur sang. En particulier les deux princes martyrs, Boris et Gleb, qui se sont fait tuer en 1015 en refusant de se battre contre leurs frères. Donc on a toute cette atmosphère de sainteté, de sacrifice, qui est très importante. Mais au XVIe, ce qui est nouveau, c'est que Andrei Kourbski, qui est un prince de la cour d'Ivan le Terrible, mais qui va devenir un transfuge, va défendre cette idée d'une Sainte Russie qui représente à ses yeux, après l'expression changera de contenu, les victimes d'Ivan le Terrible. Ce sont ceux qu'il a persécutés, ceux qu'il a exécutés injustement, qui un jour, dit-il, se dresseront contre lui au jour du jugement dernier. Donc c'est une perspective extrêmement forte et de fin du monde, en fait. Alors il faut peut-être préciser un petit peu le paysage humain. Nous sommes en territoire slave, ce territoire est composé de multiples peuples, multiples présences. Parmi ces peuples, il y a les Russes, R-U-S. Qui sont-ils? Qu'occupent-ils comme territoire? Et quels sont autour d'eux ceux qu'ils considèrent avant tout comme leurs ennemis? Les Russes, c'est un nom de peuple qui désigne au départ des Scandinaves qui viennent s'installer dans cette Europe orientale peuplée de Slaves et de Baltes et de quelques Finnois aussi, et qui lui donne une dynastie, la dynastie de Saint-Vladimir, qui règne jusqu'à Ivan le Terrible et à son fils Théodore, puisqu'ils sont descendants directs. Un substrat alors, qui est quand même comme ils se fondent slave, ils vont adopter une langue slave, exactement comme les Francs, qui donnent leur nom au pays, la Francia, la France, vont malgré tout avoir un pays qui est gallo-franc et qui a une langue romane plutôt que germanique. Donc c'est ce genre d'amalgame qui se fait. Alors à l'époque d'Ivan le Terrible, avec aussi plusieurs siècles de christianisation, on a une Russie qui est en train de se former, qui a pour capitale déjà Moscou, alors que la Russe des origines avec pour capitale Kiev, ça c'est des choses qui par la suite prêteront à beaucoup de disputes, et prête encore à beaucoup de disputes, et donc Moscou est la capitale et la ville sacrée, et la ville qui revendique le titre de troisième Rome. Pierre Gonod à comprendre un peu ce qu'est la place de la mystique dans la construction de ce pays-là. Quelle place tient-elle ? Alors, au départ, c'est une conversion qui a lieu par le fait du prince, le prince Vladimir, en 988, qui adopte le christianisme orthodoxe, comme l'avaient fait certains de ses prédécesseurs, enfin surtout sa grand-mère, Olga, et qui donc noue des liens privilégiés avec le christianisme grec orthodoxe. À ce moment-là, une église russe est créée, une église de la Rus, ou de la Rossiya, comme disent les Grecs, avec donc son centre à Kiev. Et pendant plusieurs siècles, on a une symbiose gréco- ou byzantino-russe. Et puis au XVe siècle, il y aura une rupture. C'est au moment où la Constantinople est prête à tomber, où les Grecs négocient une union avec Rome, une union qui n'aura pas lieu finalement. Les Russes sont représentés à ce concile de Florence en 1439, où on est en train de négocier, mais finalement ils vont refuser cette union. Et donc à partir de ce moment-là, ils restent orthodoxes, ils restent encore en relation de filiation avec les Grecs, mais au fond ils se disent c'est nous les dépositaires de la vraie orthodoxie. La preuve, Constantinople tombe quelques années plus tard, en 1453. Donc, la Russie se trouve pendant un siècle, entre 1453 et 1547, au moment où Ivan le Terrible se fait couronner empereur, comme la seule puissance orthodoxe pratiquement indépendante, mais qui pour l'instant ne revendique pas encore le titre impérial, ni cette dignité, ce charisme supplémentaire. Et puis là, on va franchir le pas sous Ivan le Terrible, et un peu plus tard, sous le règne de son fils, en faisant pression sur les Grecs, on obtiendra la création d'un patriarcat russe. Donc à ce moment-là, on a le tsar et le patriarche, comme à Byzance, alors que Byzance a disparu. Alors pardonnez la naïveté et sans doute l'immensité de la question, mais éclairez-nous également sur cette orthodoxie. Qu'est-elle ? Que contient-elle ? Ouais, c'est-à-dire que c'est le dogme chrétien, mais vu de Byzance, avec cette idée que le pape de Rome n'est plus le chef de l'Église, et ne l'a jamais été en ce sens, mais que Rome est désormais hérétique, donc la première Rome est tombée depuis déjà longtemps, depuis bon, au moins 1054. Et d'autre part, que Constantinople étant tombée à son tour, au fond, là, cette théorie va se formuler de façon très claire par un moine qui s'appelle Philothée de Pskov, dans les années 1540, dans la minorité pendant la jeunesse d'Ivan le Terrible. Deux Roms sont tombées, Moscou, la troisième Rome, est debout, et il n'y en aura pas de quatrième. Donc c'est nous, et après nous, le chaos. Donc c'est ça le messianisme russe qui commence à se formuler. Cette théorie est une théorie parmi d'autres, c'est pas la seule, mais elle va rester ancrée et on la redécouvre encore au 19e et là à l'époque tsariste, évidemment, là on en fait beaucoup plus dans ce domaine, comme sur la Sainte Russie d'ailleurs, où on réinvente la Sainte Russie en lui donnant un aspect très monarchiste et très en faveur du grand frère russe, on va dire, que n'avait pas au départ la théorie telle que l'a formulée Kourbsky. Dans votre participation au colloque qui s'est tenu au Musée du Louvre en 2010, dont je rappelle le titre, Les origines de la Sainte Russie, vous présentez donc ce prince Andrei Kourbsky, qui lui vit au XVIe siècle, hein, oui, c'est bien ça. Et vous dites qu'il faut quand même aller chercher avant, et notamment par le livre, pour marquer les étapes qui vont constituer la naissance ou l'émergence de cette Sainte Russie. Il y a notamment un ouvrage intitulé « Le récit des temps passés ». Qu'est-ce que c'est que ce récit des temps passés ? Alors on peut dire que c'est un peu la matrice de toutes les chroniques russes et slaves orientales en général, donc russes, biélorusses, ukrainiennes, au monastère des Grottes qui est à côté de Kiev. Pendant, disons, le XIe siècle, et le premier jet, on va dire, de ce récit est achevé vers 1110, on rédige une chronique qui dit, comme le dit les premières phrases, « D'où vient le pays russe ?» Qui sommes-nous, au fond ? Vaste question. Voilà. Alors, on va essayer de raconter, évidemment, les premiers princes, avec certains princes légendaires, puis des princes historiques, et ça s'enchaîne, donc on passe de la légende à l'histoire, à travers une généalogie, et puis la conversion, le baptême, et ces allers-retours, on pourrait dire, qui restent très caractéristiques, entre les périodes fastes et les désastres dus au fait que nous avons péché. C'est pour nos péchés que nous sommes punis, qu'on nous envoie alors des Petcheneg, des Polovts, et finalement les Tatars qui vont arriver. Alors là, c'est déjà plus le récit des temps passés, c'est une de ses continuations. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement ce récit est structuré donc vers 1110, Et par la suite, dans plusieurs autres centres, en dehors de Kiev, on va le poursuivre. Ça reste la racine de la mémoire de ces peuples, russes, ukrainiens, biélorusses, et donc les chroniques russes proprement dites, de Novgorod, de Moscou, de Tver ou d'ailleurs, vont reprendre ce récit et l'augmenter, le poursuivre, jusqu'au XVIe siècle où à Moscou, on a une gigantesque chronique qui est très vaste et qui est toujours la continuation de ce récit des temps passés. Dans l'article que vous avez eu la gentillesse de nous faire parvenir, Pierre Gonod, il y a à la fois effectivement la matière texte, mais il y a également la matière image, une iconographie importante. On peut imaginer la raison de cette iconographie s'adresser à celui qui ne sait pas lire. L'image, c'est le faire mieux que quiconque. Est-ce ainsi qu'il faut l'interpréter ? Alors il y a la fresque dans les églises, il y a ces grandes icônes, ça c'est vraiment la pédagogie la plus parlante qui permet à tout le monde de comprendre. Les enluminures dans les manuscrits, c'est un objet de luxe quand même, tout le monde n'en dispose pas. Et on voit qu'à l'époque d'Ivan le Terrible, il y a un peu une inflation d'images. On va rédiger une immense chronique illustrée, c'est lui qui en est le commanditaire, entre 1568 et 1576, qui commence à la création du monde, hein, rien de moins, qui passe par les histoires bibliques et antiques, et qui arrive à la Rousse, puis à la Russie, jusqu'à Ivan le Terrible. Donc là, on s'est toujours demandé pour qui exactement on avait rédigé cet immense volume, il y a plus de 10 000 illustrations, et ben la conclusion la plus probable, c'est que c'est pour lui-même qu'il le fait faire, éventuellement pour le montrer aux gens de sa cour et à peut-être quelques ambassadeurs étrangers. Mais au fond, c'est une auto-illustration, on va dire. Parce que là, c'est un manuscrit unique, hein, on n'en a pas plusieurs copies. Donc c'est un mélange. Il y a un certain nombre d'images qui sont très parlantes et très diffusées, des copies d'icônes et des fresques qui se reproduisent d'une église à l'autre, et puis d'autres qui sont vraiment dans les bibliothèques de la cour ou de certains grands monastères. Mais on comprend qu'il y a une production qui se fait, peut-être je me trompe dans mon interprétation, dans deux directions, à la fois dans l'intention d'une conversion ou d'une évangélisation, je ne sais pas si le terme est exact, et puis également à l'adresse du pouvoir, parce que le pouvoir lui-même en est commanditaire et qu'il faut honorer la commande. Comment interpréter ça ? Oui, alors c'est le pouvoir qui commande beaucoup de choses et un certain nombre de grands monastères qui ont les moyens parce que c'est des sanctuaires de pèlerinage et effectivement, à la fois on leur offre beaucoup d'objets pieux avec un travail d'artisanat très remarquable et ils en commandent aussi. Donc il y a cette clientèle, on pourrait dire, un peu d'élite. On aime bien aussi les reliques et donc quand on reçoit des reliques, il faut les habiller dans des coffrets, dans des écrins. Donc il y a tout ce... comme ça se fait dans les cours occidentales hein, à la même époque. Alors par ailleurs, la conversion, ça c'est un peu plus particulier dans la mesure où la Russie rarement essaie de convertir les peuples allogènes. Au fond, jusqu'au XIXe siècle, tant qu'ils se soumettent, qu'ils paient le tribut, qu'ils font pas trop d'histoire, on les laisse tranquilles et il y a de temps en temps quelques poussées de conversion, mais en particulier les Tatars lorsqu'ils seront vaincus et que ces Khanats vont être annexés par la Russie, eh ben on va les laisser être musulmans et d'ailleurs ils le sont toujours. Donc c'est une attitude un petit peu plus, disons, chaque peuple garde sa confession. C'est un peu le principe. On a l'impression de retrouver les principes qui avaient également agi dans l'Empire romain, où à mesure que l'Empire s'étendait, il y avait une sorte d'accord tacite. Le vaincu devait admettre qu'il était vaincu, mais on lui laissait ses pratiques et ses rituels. Oui, c'est-à-dire que les Romains, eux, en plus, ramenaient les dieux des vaincus chez eux pour les récupérer, parce qu'au fond, on n'a jamais trop de dieux, tandis que là, on reste orthodoxe, et au contraire, on y tient beaucoup. Alors du coup, il y a une sorte d'identité. Si vous êtes orthodoxe, vous êtes russe, et si vous êtes russe, vous êtes orthodoxe. Donc la conversion fait de vous un russe, totalement. Il n'y a pas de barrière véritablement ethnique de ce point de vue-là, mais par contre, tant que vous n'êtes pas orthodoxe, vous n'êtes pas russe. C'est la façon dont on conçoit la nation ou la nationalité jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. en nouvelle diffusion. On a parlé d'une double tension, Pierre Gonod, notamment liée à cette peur, cette notion de l'anéantissement. J'ai eu la curiosité de regarder les cartes que vous présentez dans votre ouvrage « Histoire de la Russie d'Ivan le Terrible à Nicolas II » paru chez Talendier en septembre 2016 et j'ai été frappé de l'extension phénoménale de la Russie et je me suis interrogé sur ce paradoxe. Dans quelle mesure cette expansion-là est-elle une réponse à l'anéantissement alors que l'expansion peut également favoriser, on le sait pour Rome, l'anéantissement? Bien, c'est certain, ont en effet qualifié cette expansion de fuite en avant. C'est-à-dire que plutôt que de se consolider, y compris du point de vue des institutions, de la participation plus grande, surtout au 18e, 19e, de la société aux institutions et au fonctionnement du pays, eh bien, on poursuit la conquête. Alors, tant qu'on est en mouvement, eh bien, on s'arrête pas. Et d'autre part, ce qui est absolument certain, ça on le voit tout à fait au 19e et au début 20e, c'est qu'une défaite, même périphérique, comme en Crimée en 1855, ou face au Japon à Port-Arthur, à l'autre bout du monde en 1905, une défaite peut précipiter une crise très profonde dans tout le pays, et en particulier à la capitale. Alors que dans d'autres pays, dans d'autres empires, on peut essuyer quelques revers dans des lointaines colonies et au fond on s'en remet, c'est pas très grave. Donc il y a ces deux aspects. C'est plus sensible peut-être à la période donc après 1700 et après 1800 où il y a ces signaux. Mais déjà au moment où on sort du cadre traditionnel de la Russie, de ces territoires donc de l'Europe orientale et où on commence à conquérir à l'est vers la Volga, vers la Sibérie et à l'ouest à avancer en direction des pays baltes, déjà Ivan le Terrible a essayé de les conquérir, n'y est pas arrivé, ou vers la Pologne-Lituanie, eh bien là, effectivement, commence ce processus d'extension qui pose après une question d'identité. Pierre Gonod, vous nous l'avez dit, votre travail principal concernant la Russie est plutôt une Russie classique, de l'âge classique, mais néanmoins, à vous entendre, on a également un peu envie de vous faire parler de l'analyse que vous pourriez faire de la Russie actuelle. Diriez-vous que le pouvoir tel qu'il est exercé en Russie, je ne dirais pas là aujourd'hui en 2016 ou 2017, la pratique du pouvoir puise profondément, c'est ce qu'on entend souvent, dans une Russie plus ancienne, notamment sur ces questions de rapport à la géographie, de rapport au territoire? Alors il y a effectivement beaucoup de choses à dire là-dessus. Pour être bref, ce qu'on peut dire, c'est qu'à l'époque soviétique, on a affiché une rupture, et en même temps, il y a eu des signaux de continuité forts dans justement la conception très impériale du pouvoir et de ses frontières. Bon, Staline avait porté un toast très connu en 47 en disant « Les tsars ont eu beaucoup de torts, ont fait beaucoup de choses très mauvaises, mais ils nous ont donné un grand empire qui va donc depuis les frontières occidentales, donc de Smolensk, mettons, disons, jusqu'au Kamtchatka. Et ça, il faut le garder. Donc ça, on a l'idée qu'on est dépositaire de cet immense territoire et que tout amoindrissement est mauvais en soi. Donc ça, cette conception géostratégique, où plus il y a d'espace, mieux c'est, elle est restée profondément ancrée. Et d'autre part, encore plus après 91, après la fin de l'URSS, l'idée qu'on leur a rendu leur passé, ou que désormais on peut parler de notre passé, que l'on peut le revendiquer, ça, elle a beaucoup marché, déjà à l'époque d'Eltsine, et même maintenant, où on a cette impression, voilà, nous avons renoué avec la Russie, c'est la Russie dont il s'agit. Même si on peut dire, comme l'a dit Vladimir Poutine, la fin de l'URSS a été la plus grande catastrophe jamais connue. Donc on a des sentiments un peu ambigus vis-à-vis de l'URSS en tant que régime, en tant que formation qui niait l'identité russe. On dit ça, elle l'opprimait, mais d'un autre côté, elle l'a maintenu ce pouvoir et cette puissance géographique, donc de ce côté-là, on lui en est reconnaissant. On est là à l'étage du politique, Pierre Gonod, mais si l'on prend l'ascenseur et qu'on descend quelques étages en dessous, au niveau de ceux qui sont gouvernés, quel rapport les Russes, pardon pour cette expression par trop générale, quelle appréciation les Russes ont-ils de leur propre pays, de leur propre histoire? Est-ce que, au travers des études que vous pouvez faire, vous arriveriez à nous donner quelques éclairages? Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a encore un enseignement assez unifié, et l'idée que, aussi bien pour la littérature que pour l'histoire, on sait ce qu'on doit savoir. Donc, on connaît un certain nombre d'auteurs, évidemment Pushkin et d'autres, et on connaît un certain nombre de héros de l'histoire russe. Donc, c'est beaucoup moins dispersé qu'en Europe occidentale ou en France maintenant, où on serait en peine de dire, bon ben voilà, il y a tel et tel héros de l'histoire de France, on les connaît plus, tout simplement. Par exemple, Alexandre Nevsky, dans tous les sondages qu'on peut faire encore aujourd'hui, alors c'est en partie grâce au film hein, d'Eisenstein, le héros numéro un, c'est Alexandre Nevsky. On se souvient encore comme héros favori d'un personnage qui est mort en 1263. Pierre Gonod, je peux imaginer, pour vous qui êtes spécialiste de la Russie, que ce que vous pouvez entendre la plupart du temps sur ce pays, au mieux vous laisser perplexe, au pire vous anéantir, tant il semble que nous soyons en peine de comprendre la culture de ce pays-là. C'est, on peut dire ça de beaucoup de pays, hein, même relativement proches, encore plus si on parle de la Chine ou de pays plus lointains. Le problème, c'est que la Russie se situe elle-même dans cette ambiguïté. Est-ce qu'elle est un pays européen? Est-ce qu'elle est un pays de cette culture et de ces puissances qui, aussi, on les a appelées coloniales, qui ont été des puissances dominantes pendant la période contemporaine? Ou bien, est-ce qu'elle fait partie de ces puissances étrangères, extérieures, asiatiques? Mais en même temps, c'était effectivement, et ça on le voit très bien, à l'époque des derniers tsars, une puissance qui participait au démembrement de la Chine, qui participait au démembrement de l'Empire ottoman, et qui donc est alignée sur ces grandes puissances européennes. Donc c'est une question délicate, et d'ailleurs les Russes, en général, contestent le fait qu'ils soient une puissance coloniale. L'argument étant que leur empire est continu territorialement. Il n'y a pas d'océan, il n'y a pas d'îles distantes, il y en a quelques-unes, mais pas énormément. Et en fait, c'est tout à fait contestable. Mais on voit bien qu'ils ont une difficulté à se positionner. Il m'est apparu, en lisant votre article, Pierre Gonod, que même si ce n'est pas véritablement là-dessus que vous avez travaillé, que l'un des grands bras de fer qui va exister géographiquement se situe entre la Russie et la Pologne, et que la question religieuse y est évidemment extrêmement importante. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions? Alors, ce qu'il faut voir, c'est que donc la Rus de Kiev, cet état médiéval qui a eu un fort rayonnement jusqu'au XIIIe siècle, à l'invasion mongole, va être ensuite partagée en quelque sorte entre une zone qui sera sous influence lituanienne, au départ c'est le Grand-Duché de Lituanie qui s'étend, et qui devient un état lituano-russe. La partie lituanienne proprement dite est très petite. Et donc, à l'intérieur de cet état, on a des fortes proportions d'orthodoxes, qui font partie de ce territoire. Et ce territoire, ensuite, va s'arrimer à la Pologne, qui, elle, est catholique. Slave aussi, mais catholique, et donc latinophone. Donc, la Pologne-Lituanie, qui se forme et qui a une structure complexe, plurielle, va représenter le modèle alternatif à la Russie, qui, elle, se constitue en état centralisé, monarchique et orthodoxe. Et à chaque fois que la Russie avance, elle prétend retrouver, reprendre les territoires de l'ancienne Russe. Catherine II dit encore, au moment du dernier partage de la Pologne, « Moi, je n'ai pas pris de terre polonaise. Je n'ai fait que récupérer ce qui est à moi. » C'est aussi une théorie qu'on entend très souvent. Nous ne faisons que reprendre ce qui est à nous. Et nous n'agressons pas, nous ne conquérons pas. Bon, on peut en penser ce qu'on en veut, mais c'est cette formule. Alors, au XIXe, là, ça devient beaucoup plus compliqué, parce que le fantôme de la Pologne hante les relations internationales. Les Russes en occupent une bonne partie, mais il y a aussi les Prussiens, les Autrichiens. Et donc, cette Pologne aspire à renaître. Et il y aura une sorte toujours d'écueil polonais dans toutes les théories panslaves qui apparaissent, qui disent, voilà, les Slaves sont tous frères, doivent être unis. Oui, mais les Polonais, qu'est-ce qu'on en fait? Ils ont l'inconvénient d'être catholiques et de pas vouloir être dans l'Empire russe. Et puis là, on a martyr contre martyr, parce que les deux pays y excellent. Oui, poète contre poète, Pushkin contre Mickiewicz. Donc là, effectivement, c'est quelque chose, et cinéaste contre cinéaste ensuite, on aura toujours cet affrontement qui existe encore. Et la Pologne se représentant souvent comme le dernier rempart, l'avant-poste de l'Europe face aux Tatars, alors qu'évidemment les Russes disent la même chose. Pierre Gonod, vous nous redonnez le titre de votre ouvrage, de votre dernier ouvrage paru, je le rappelle, chez Talendier. Alors c'est tout simplement « Histoire de la Russie » d'Ivan le Terrible à Nicolas II. Et puis par exemple, un bon argument de vente, qu'est-ce qui pourrait précipiter ceux qui nous écoutent à devenir lecteurs de ces 500 et quelques pages? Mais c'est-à-dire que c'est à la fois, ça peut se lire par épisode comme une série de biographies de ces souverains, où on peut les voir leur personnalité et leur destin, et en même temps, il y a le fil conducteur qui est effectivement, qu'est-ce que c'est que ce pouvoir des tsars et tsarines dans la Russie, et quelle trace il a laissé, puisque dans une sorte d'épilogue, j'évoque un petit peu, évidemment, ce souvenir du pouvoir fort et unique, avec un chef à la tête du pays. Merci d'être venu au micro d'Histoire Vivante. Merci à vous. Notre épisode était intitulé « La Sainte Russie, martyr du prince », avec aujourd'hui Pierre Gonod, professeur à l'Université Paris-Sorbonne et directeur à l'École pratique des hautes études. Demain la suite, avec un nouvel invité, Bernard Marchadier. Il sera question de l'hésychasme et du récit d'un pèlerin russe. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la participation de Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Jérôme Nussbaum. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.